cours numéro 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir ba'd al-asma' al-hasib wal-hafidh wa kathalik fi hadha al-ma'na al-hafidh wa fi ma'na al-hasib al-kafi. Falhamdulillah. Ma'ani hadhi al-asma' wadihaha. فنقرأ. قال رحمة الله عليه الحق. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الحق. parmi les noms d'Allah عز وجل donc الحق. والدليل على هذا الاسم قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال رحمه الله الحق في ذاته وصفاته فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت وجوده من لوازم ذاته ولا وجود للشيء من الأشياء إلا به. Donc Allah سبحانه وتعالى c'est le حق في ذاته. Ils traduisent le حق par la vérité. فالله سبحانه وتعالى c'est le حق في ذاته وصفاته. سبحانه وتعالى فالله عز وجل متصف بصفة الكمال كما تقدم معنا فالله سبحانه وتعالى il est parfait, ses attributs sont parfaits et الله عز وجل نزه نفسه عن النقائص والعيوب. الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de toute imperfection, de tout défaut, de tout manquement. ومثل هذه المعاني تقدمت معنا كثيرا. أما قوله فواجب فهو واجب الوجود فتقدم معنا كذلك أن هذا من تقسيمات أهل الكلام والمنطق بعض العلماء الستة مثل هذه التقسيمات من باب البيان أو pour autre chose. المراد هنا أن الله عز وجل واجب الوجود أي أن غيره سبحانه مما خلق الكرياتور فموجودة بإذن الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى سيواجب الوجود على هذا بغبغس تقسيم يقابل هذا اللفظ ممكن الوجود هذا في المخلوق. فما من موجود إلا الله سبحانه وتعالى كي يفولي الله عز وجل كي لكخي بحق. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé les hikmatin azim. قال فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. توسا تقدم معنا كثيرا هذه المعاني. ذو الجلال والإكرام تقدم معنا, الجميل تقدم معنا, أنه موصوف بالكمال, أنه إلى les attributs parfaits سبحانه. فهذا كله تقدم. قال فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسوله حق وكتبه حق. قوله ورسوله حق لعله ورسله حق لأن إلى ستة الكتب في صيغة الجمع بلوريال et juste avant il a cité الرسول في صيغة الإفراد والسنجولي. فلعله المراد سي ورسله لأن جميع الرسل أرسلوا بالحق فلعله المراد هذا يفضغ غفنيغ ومرجع. قال وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق. فالله سبحانه وتعالى سي الحق قوله حق. Et tout ça, bien sûr, ça يستفيد من هذه المعاني المؤمن de فوائد عظيمة. فقول الله سبحانه وتعالى حق. Ça va impliquer, bien sûr, أننا نؤمن, on croit au Coran qui est la parole d'Allah سبحانه وتعالى. Et كذلك فعله حق. Tout ce que Allah سبحانه وتعالى y fait, toutes ces actions, c'est bihaq. Tout ça, ça va aider al-mu'min à se soumettre akthar, à patienter akthar. Bad al-ahyan, on est touché par une chose, Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a qadr cette chose, qui l'a voulu, qui a créé cette chose. Et ahyanan, on a des faiblesses. Ahyanan, on manque de patience. Ahyanan, on se fait du mal à nous-mêmes avec les regrets, avec les si. Mais si j'avais fait ila akhri, et si on se rappelle de mitl hadhihi al-ma'ani, anna qawluhu haqq. Et fi'luhu haqq, ça va nous aider. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal-ard bil haqq. Tout ce qui se passe fi hadha al-kawn c'est bi haqq. Faqat, c'est pour éprouver ton nafs. C'est pour t'éprouver anta. Limadha li anna hadhihi ad-dar, cette demeure d'or, ad-dunya, elle a été créée bi haqq, et anta, par rapport à ce haqq, tu seras jugé. Si tu acceptes, tu te soumets, tu appliques هذا الحق, فبإذن الله عز وجل tu seras à la خير في الدنيا والآخرة. Et celui عيادا بالله qui rejette ce حق, ou qui n'aime pas ce حق, ou qui se moque de ce حق, de cette vérité, de la religion d'Allah سبحانه وتعالى, de sa parole, le Coran, le Kérim, فإلى على خطر عظيم. فلهذا قال فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق. Liqa'uh ay yawm al-qiyamah. Al-liqa, c'est la rencontre. Et tout ça, bien sûr, on a des preuves. Min al-Qur'an ou min al-Sunnah qu'on a cité ma'akum kathiran. Wa liqa'uhu haqq. Kadhalik, hada, ça va aider al-mu'min à se préparer. Chacun de nous, on sera présent à ce moment. Hada al-liqa. On va rencontrer qui? Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. كَذَلِكَ tes amals, tes œuvres, et tu seras jugé sur tout cela. Qui c'est qui te jugera et qui nous jugera tous? Ça sera الحق رب العالمين عز وجل. فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق. Tout ça, ça doit nous aider à nous remettre en question jour après jour, à faire des efforts في العلم jour après jour, à faire beaucoup d'efforts pour appliquer cette science qu'on apprend. Tout ça, c'est bihaq, on aura des comptes à rendre. Mais celui qui oublie hada, qui oublie qawl Allah Azza wa Jal, le Coran, le shar'u, son din, celui qui oublie anna ma min shay qui se passe, c'est bi'idnillahi Azza wa Jal, c'est Allah qui l'a voulu. Et كذلك, celui qui oublie yawm al-qiyamah, فإلى على خطر عظيم. تأمل قوله في الحقيقة c'est sa parole, donc ça englobe le Coran et شرعه. فعله c'est toutes les actions d'Allah سبحانه وتعالى, et تستفيد من هذا des فوائد عظيمة في القدر. ولقاؤه c'est الجزاء يوم القيامة. Et celui qui est قوي بهذا في دين الله سبحانه وتعالى في العلم, qui fait des efforts dans la science, كذلك il fait des efforts pour connaître صفات الله عز وجل, que ce soit القدر ou autre. القدر أي أن الله il sait tout, علم الله, وأن الله il a tout écrit, أن الله il a créé tout, et أن الله سبحانه وتعالى il a tout voulu, أي tout ce qui se passe c'est par sa volonté. Tout ça c'est des أوصاف من أوصاف الله عز وجل. Ça va lui faciliter la troisième chose, اللقاء, la rencontre d'Allah سبحانه وتعالى. أما celui qui pense que الدنيا, il donne aucune importance à كلام الله عز وجل. Il donne aucune importance à la croyance, l'aqid. Son cœur, ayyadan billah, ça va devenir un refuge pour toutes les bid'ah, toutes les innovations, toutes les passions, toutes les ambiguïtés, toutes les mauvaises pensées. La shakana hada, ça va l'éloigner de la troisième étape. Il pensera plus. Il sera pas prêt. Robama sini, il va vivre des années, et il sera pas prêt le jour où il sera ressuscité. Qala wa rusuluhu haqq wa kutubuhu haqq. Et ça implique anna nu'min bi jami' ar-rusul bi jami' al-mursalin wa la naf'al kama fa'ala ahlu al-kitab annahum amanu bi ba'd wa kaffaru bi ba'd. Ils ont cru en certains prophètes et ils ont rejeté les autres, iyadan billah. Wa hakadha al-kutub نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن تصل السحق. أما les déformations et ce que les juifs et les chrétiens ont fait بكتبهم, ces kutub al-an qui sont répandus indahum, la Torah ou l'Injil, la Torah et l'Évangile, tout ça l'an c'est mélangé, c'est du batil. Lakin nu'min bil haqq que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à Moussa et à Isa et à tous les prophètes. Et hada, ça va impliquer mada, on doit les suivre. On doit suivre al-Rusul. Et nous, on doit suivre notre prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Il a abrogé toutes les religions qui étaient auparavant. Et c'est le seul qui mérite d'être suivi. Et كذلك نؤمن بالقرآن et on fait des efforts pour appliquer. قال ودينه هو الحق. دينه هو الحق. Et هذا في الحقيقة c'est un point très très important في عقيدة المؤمن. C'est pas qu'une parole qu'on doit dire avec la langue. L'islam c'est le haq. La religion de l'islam c'est la vérité. Là, هذا ça doit impliquer bien sûr, une croyance qui est fondée sur du ilm, sur de la science, et ça doit impliquer bien sûr des œuvres. Il y en a celui qui aime sa religion et qui a la conviction que c'est le haq, là chacun il va faire des efforts pour l'appliquer, et كذلك ça va impliquer une chose عظيمة, أنه لابد أن نكفر بالأديان الأخرى. لأن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما dire que l'islam c'est le haq, ثم en parallèle prétendre que اليهودية كذلك c'est le haq والنصرانية كذلك c'est le haq et tout le monde a sa religion, on est tous des croyants, on est tous des frères, هذا في الحقيقة لا يؤمن أن دين الله c'est le haq أي الإسلام. لماذا؟ لأن في الإسلام il y a des preuves qui montrent que اليهود والنصارى وجميع المشركين ils sont à la batil ou à la kufr ou à l'inhiraf. Donc هذا ça nous montre que cette étude et ces sens, ces ma'ani azima que Cheikh Saad il a cité rahmatullah alayh et d'autres savants, c'est une aqida, c'est une croyance, c'est un mode de vie, c'est un manhaj, c'est notre din, c'est la base de notre din. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى c'est دين الله الحق. Et ce din il est fondé sur التوحيد, sur لا إله إلا الله. Tous ceux qui ont contredit ce point, ils sont pas à la haq. On n'a pas le droit de dire أنهم ils sont à la haq. Et si on dit que دين الإسلام c'est دين الحق, comme c'est cité, ça va impliquer des choses. Une croyance, des œuvres. Aimer pour ce din, détester pour ce din, al-wala, wal-bara, fillahi azza wa jal, kama, alhamdulillah, on a détaillé ensemble dans notre deuxième dars. Qala wa ibadatuhu wahdahu la sharika lah hiya al-haq. Hakada, nafs al-shay. C'est pas qu'une parole. Ay, anna, l'adoration d'Allah azza wa jal seul, ay, al-tawhid, c'est al-haq. Et ce din, jami' al-mursaleen. كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ça c'est دين جميع الأنبياء. Ça va impliquer plusieurs choses. أولا cette croyance que التوحيد c'est le حق et c'est la base de notre religion. كذلك ça va impliquer des œuvres. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. كذلك ça va impliquer quelque chose de عظيم. أي ceux qui n'adorent pas Allah عز وجل ou qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et il lui donne des associés vil ibada ou autre, fa'oula c'est des mushrikin et on doit les détester fillah. Limadha li'annahum ils ont khalif, ils ont délaissé ce point essentiel, c'est la base de notre din, c'est le sens de ash-shahada al-azim la ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Et هنا tu as le معنى wa'ibadatuhu wahdahu la sharika lah. Donc c'est pas mujarrad kalam. Kalamun avec une croyance sûre, solide. Et كذلك a'mal. Wa min al-a'mal annana nuwali par rapport à ces points et nu'adi par rapport à ces points. Et on aime par rapport à tout cela. Avec que ar-rusul c'est le haq wa al-kutub c'est le haq ila akhiri, fa celui qui croit en ces choses et il met en application, enfin on l'aime, c'est notre frère, c'est un mu'min. Et celui qui contredit ces choses, qui déteste ces choses, qui délaisse ces choses, bah, là chacun n'a par rapport à son égarement, on aura un comportement. قال وكل شيء إليه فهو حق ثم il a cité des versets du Coran. قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. تأمل ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala بيّن أن الحق c'est son din, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est le tawhid. Et il a qualifié هذا الدين بالحق. قال ذلك بأن الله هو الحق. قال وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله سبحانه وتعالى c'est le حق, son دين c'est le حق. Ces messagers sont venus avec le حق, avec la vérité. Tout ce qui contredit هذا c'est le باطل. قال عز وجل وأن ما يدعون من دونه أي من دون الله هو الباطل. فpourquoi dire que عياذا بالله عباد عباد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام أو عباد الأصنام أو الملاحدة الذين ils ont aucun mabda' عياذا بالله, dire que c'est nos frères. On arrive à une époque عياذا بالله أن البعض الآن يقولون بكل وضوح أن on est des frères. Ils savent que c'est pas le même délire l'akhir, لكن أخوة الإنسان, on est des frères, on est tous des êtres humains. Il ne faut pas se détester, il ne faut pas s'accuser, il faut se respecter. فَلِمَاذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Que pour te montrer, le bâtil c'est un mot très très fort en arabe. C'est tout ce qui contredit le haq, tout ce qui est faux, tout ce qui est déformé. فَهَذَا pour te montrer, écarte-toi. Fais attention à ce bâtil. Le bâtil ça fait du mal, le faux ça fait du mal. فَلْنَحْذَرْ جَمِيعًا مِنْ دُعَاتِ الْإِلْحَادِ وَالزَّنْدَقَةِ qui est très très propagé à notre époque. Et min aham al-usul, parmi les fondements les plus importants que haoulaï critique, ils essayent d'écarter le muslimi, c'est hada. Et il est i'tiqad dans un autre din, c'est le haq, et tout ce qui le contredit, c'est batil. Thumma, ça va impliquer qu'on aime cette vérité. Et nouali alayha, on aime et on prend comme allié celui qui a le même din que nous, et on déteste tout ce qui contredit notre din, et pour nous c'est des ennemis. فالله عز وجل قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الشاهد وقل الحق من ربكم. الحق c'est من الله. فسي الله qui a révélé les livres, qui a envoyé les messagers. C'est Allah سبحانه وتعالى qui nous a guidés, qui nous a donné. C'est Allah سبحانه وتعالى qui ressuscitera le jami. Tout ça c'est الحق من الله سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Vous vous rappelez de هذا فليؤمن فليكفر. On a cité une faïda ensemble dans notre درس في الأصول في باب الأمر. تذكرون تفضل. أحسن. هذا من باب التهديد. Ça veut pas dire que l'insan il a le droit de choisir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. J'ai envie de croire, je crois. Je n'ai pas envie de croire, je ne crois pas. نَعُوذُ بِاللَّهِ. Ça c'est très très grave. قَدْ يَقُلْ قَائِلْ. C'est quoi le délil à هذا? Aïe que c'est une babe tahdid, aïe c'est une menace. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Celui qui veut qu'il croit. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et celui qui veut qu'il ne croit pas. On a dit c'est une babe tahdid, aïe c'est une menace. بِدَلِيل. نَعَمْ. مَا هِي. نعم هذا الله سبحانه وتعالى la fin du verset من سورة الكهف. الله سبحانه وتعالى il a cité le châtiment, la menace. Ça prouve que le fait que Allah سبحانه وتعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, celui qui choisit le كفر il est en danger et il risque le châtiment que Allah سبحانه وتعالى il a cité. إن أعتدنا للظالمين نارا, et on a préparé pour الظالمون et les injustes, ceux qui adorent autre qu'Allah, inna shirka la dhulmun adhim, nara, et le feu. Ça montre que ce choix, le haqiqa, c'est pas un choix qui est aimé par Allah et tu as le droit de faire ce que tu veux. Abadan. En arabe, ça s'appelle, c'est un amr, c'est un ordre, فَلْيُؤْمِنْ فَلْيَكْفُرْ. C'est un ordre, amr, lakin, bima'na at-tahdid. Le sens, c'est la menace. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا سنموت كذلك سنرد على دعاة الباطل ceux qui veulent mélanger بين الحق والباطل. لا. فماذا بعد الحق إلا الباطل. Tu as le haq et tu as le batil. Tu n'as pas quelque chose entre. C'est pour ça que le mu'min il doit faire des sacrifices. Prends le mithal qu'on vient de citer, le fait de aimer pour Allah, détester pour Allah. Tu dois aimer tes frères musulmans. Tu dois aimer tes frères Ahl al-Sunnah. Et tu dois détester Al-Kafara et Ahl al-Bida'i wa al-Ahwa par rapport à leurs égarements. Amma al-Ba'd, ils veulent trouver une manzila bayna hadhihi al-manzila wa tilk. عياذا بالله خاصة pour satisfaire les ennemis d'Allah. قال عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. Si tu ne choisis pas le haq, tu ne te soumets pas à cette vérité, l'islam, le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام إلى آخره, le reste c'est الباطل. وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فصراط الله سبحانه وتعالى المستقيم c'est le haq. Et autre que ce sirat, c'est le subul. C'est des chemins qui, عياذا بالله, emmènent, poussent l'insan à s'égarer. Il y a des innovations, il y a de la mécréance, il y a ilhad. عياذا بالله, et tu as un exemple avec Milal al-Kuffar et Firaq Ahl al-Bida'i wal-Ahwa. قال عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ça, ça montre un اعتصم بالحق. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq. C'est un de ses noms. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq. Fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Sa religion, c'est le haq. Ses messagers, c'est le haq. Accroche-toi à ce haq et patiente. لأن الله عز وجل قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل ça dure pas. أحيانا المؤمن يضعف. لماذا؟ لأن il veut s'accrocher à la vérité, لكن il est entouré par le باطل. Et il pense que s'il s'accroche à la vérité, peut-être qu'il va manquer une chose, ou il va être touché par un mal, ou. Et tout ça, c'est min ash-shaytan. Accroche-toi au haq. Et al-malik al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera. Ihfad Allah, ihfadka. Fahada ismun a'zim. Wa la'ala ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a cité une fa'ida fi hada al-ism. Qala rahimahullah, كما في بدائع الفوائد فكونه حقا أي أن الله سبحانه وتعالى c'est le haq et tous ses attributs c'est le haq. قال فكونه حقا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه. أي si Allah سبحانه وتعالى c'est le haq, ça implique que son din, كذلك شرعه أي sa législation, le Coran, le Sunna, toutes les règles que Allah subhanahu wa ta'ala il a instauré, il a légiféré pour l'ibad, wa thawabahu wa iqaba, كذلك la récompense et le châtiment, tout ça c'est bihaq. Allah subhanahu wa ta'ala il est injuste envers personne. Qala fa yadhun, fa kayfa yadhun bil malik al haq an yakhluqa khalqahu abatha wa an yatrukahum suda. Abathan wa suda, la ma'na li qariba, ay bidun fa'ida, bila hikma. Comment après cela, si tu as compris هذا الاسم, penser que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé al-khalq هكذا sans aucune faïda, comme يقول الكفار. Ils pensent que c'est la nature qui a tout créé, حتى le fait de reconnaître Allah en tant que créateur, عياذا بالله, à notre époque, كثير من الناس يلحدون في هذا. Et ils pensent qu'ils ont été créés هكذا, انهم ils vont mourir et c'est fini. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, il sait que هذا الفكر, cette pensée, c'est min abdal al-batil. C'est très très grave. قال وَأَنْ يَتْرُكَهُمْ سُدَى لَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمْ وَلَا يُثِيبُهُمْ وَلَا يُعَاقِبُهُمْ. صحيح. فتأمل أنت هذه الفكرة, si elle se propage. Elle s'est propagée في بلاد الكفر. Et c'est pour ça qu'ils ont atteint ce niveau, عياذا بالله. لا دين ولا أخلاق. Ils pensent qu'à Dunya. عياذا بالله, ils s'entretuent عليها. Toutes leurs efforts, c'est par rapport à ce bas monde. لماذا؟ لأنهم, ils n'ont plus هذا الإيمان. أن الله سبحانه وتعالى c'est le haq, لقاؤه حق, et الجزاء والعقاب, la récompense, et le paradis, et العقاب, et l'enfer, le châtiment, tout ça c'est haq. Si tu n'as pas ces limites, عياذا بالله, tu n'as plus de limites. Et c'est حال المجرمين الكافرين. كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سودا. Est-ce que l'insan il pense qu'on va le délaisser هكذا سودا, أي sans sharia, sans ordre, sans interdiction, أنه il n'aura pas de compte à rendre. هذا c'est très très grave. فنعوذ بالله min al-ahwa wa min al-dalal. Il y a un ism kadhalik qui est lié à هذا الاسم, c'est al-mubin. Al-haqq al-mubin. Ou al-mu'allif, il l'a pas cité, rahmatullah alayhi. Lakin, c'est un ism thabit. Fi sharh Sheikh Zayd, vous l'avez, page, prenez la risala qui est après celle qu'on lit ensemble, page 51. منظومة الشيخ زيد الجميلة جدا الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه من علماء أهل السنة إلى إكرم منظومة في أسماء الله عز وجل إلا إكسبليكي avec un شرح مختصر مفيد très simple et il a cité page 51 المبين قال في النظم وهكذا الكبير والمبين والنص في الودود مستبين الشاهد وهذا وهكذا الكبير والمبين قال في الشرح المبين اسم من أسماء الله ومعناه أن الله هو الحق المبين الذي لا ريب في وجوده بل قد أبان لخلقه في محكم كتبه وعلى ألسنة رسله ذلك بل أودع ذلك في فطرهم فلم ينكر وجوده إلا الملاحدة والكفار الدهريون. Ça, c'est fait fitrat l'insan, en Allah Azza wa Jal, c'est le haq, et c'est lui qui a tout créé. C'est ça la base. Et on vient à une époque, hatta, هذا l'asl, qui est fait fitrat l'insan, wa ba'duhum iyadam billah, ils l'ont plus. قال وهو المبين الذي أبان لعالم بفتح الله الإنس والجن سبيل السعادة من سبيل الشقاء فله الفضل والثناء الحسن. هذا المعنى, il est جميل. Il est lié à l'haq, ism al-haq. Al-haq taqaddam ma'ana. En Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'haq, et son dîn, c'est l'haq, et sa religion, elle est parfaite, ses attributs sont parfaits, et huwa azza wa jal, il est parfait. Al-mubin, huwa alladhi avana li'alam al-ins wal-jin sabil al-sa'ad. Al-mubin, c'est celui qui a montré ce chemin pour comprendre hadha al-haq, pour mettre en application ce haq et cette religion. Allah, c'est le Moubine, il a envoyé des messagers et il a révélé des kutub. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a guidé des gens, min al-rijal wa min al-nisa, ulama qui facilite aux autres, la compréhension de leur dîn. Qala sabil al-sa'ada min subul al-shaqa falahu al-fadl wa al-thana al-hasan. Wa min athara hadha al-ism. أي أن المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى. On doit être reconnaissant envers Allah سبحانه وتعالى. C'est pas notre intelligence, c'est pas nos efforts qui font que on comprend telle chose. Là, ça c'est des causes. فقط. أما التوفيق c'est من الله. الحق المبين. Et كذلك تستفيد من هذا أن demande à Allah سبحانه وتعالى. C'est le مبين. إذا أشكل عليك شيء أو عيدا بالله حصلت فتنة الحق التبس بالباطل tu sais plus qui c'est qui a la vérité tu sais plus dans telle mas'ala il y a plusieurs avis il y a une divergence tu sais plus c'est quoi la vérité demande à Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah الحق المبين demande à Allah subhanahu wa ta'ala بهذه الأسماء أنه الحق المبين qui te facilite la compréhension de الحق dans ce sujet. Et bien, ikhlas. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que tu veux le haq. Tu aimes le haq. Et tu lui demandes à lui parce que c'est le haq. Et tu verras, bi'idhnillahi azza wa jal, ça sera facilité. Et bien sûr, tu fais les causes. Tu étudies, tu demandes, tu recherches. Lakin, sans oublier la base, al-asl. Ay, hadha al-mu'taqad. Cette croyance, cette intention, et kadhalik, cette demande. Qal wa dalilu hadha al-ism qawluhu ta'ala. ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعلمون أن الله هو الحق المبين سورة النور فالله سبحانه وتعالى سي الحق وكذلك سي المبين فاكتبوا النوت هنا الحق vous écrivez كذلك ثبت اسم المبين والدليل قوله تعالى vous mettez la référence هذا ما يتعلق بهذا الاسم. قال رحمه الله الحكم العدل فهنا رحمة الله عليه لا ستدون الحكم العدل أما الحكم فثابت كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم الحديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي وغيرهم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلا صحح كما في صحيح سنن أبي داود. هذا الكلام من الحاشية. دونك هذا الاسم ثابت الحكم. أما العدل فقال المحقق لم أقف على دليل صحيح يدل على اسميته لله تعالى والله أعلم. العلماء اختلفوا. Les savants ils ont divergé. بعضهم أثبت هذا الاسم. Certains savants ils ont dit أن العدل c'est من أسماء الله. Et d'autres ils ont dit là. On peut citer بعض العلماء الذين أثبتوا هذا الاسم. المؤلف رحمة الله عليه الشيخ السعدي. Et كذلك قبله الخطابي وابن مندة والإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد أثبت هذا الاسم. قال والعدل ومن أسمائه الحسنى العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب لا آخر. فعلى كل حال هنا في الفوائد ثم في النونية رحمة الله عليه قال والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان. فالشاهد والعدل من أوصافه في فعله. فهنا كأنه أثبته وصفا. كما تعلمون بعض الأسماء فيها خلاف بين أهل العلم. العدل في partie de ces noms أن العلماء اختلفوا. والذي يظهر أنه ما ثبت. أما الوصف نعم أن الله سبحانه وتعالى له صفة العدل من باب الإخبار أن الله سبحانه وتعالى سي العدل. فهذا نعم لا شك فيه. أما أن فتقدم معنا أن الأسماء توقيفية فلا بد من دليل. من أثبته en se basant sur les paroles des savants qui l'ont cité فهذا c'est autre chose. ولعله il est cité dans le hadith ضعيف ou que tous les noms ou beaucoup 99 noms ils ont été cités. Et ce hadith لا شك في ضعفه أنه لمدرج سبا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل أنه سنوصف سنصفة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذي الخويسرة أو سيبتو ذو الخويسرة قال اعدل يا محمد اعدل يا محمد أي سوا جست يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. أي qui sait qui va être juste qui va avoir du عدل c'est Allah et son messager. Ils n'ont pas de عدل, ils ne sont pas juste. ذو الخويسرة الصحيح c'est que c'est un منافق, c'est un hypocrite. فلهذا اتهم النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم في عدالته. Et c'est très très grave, c'est du kufr, c'est de la mécréance d'accuser le prophète alayhi salatu wa sallam de ne pas être juste. Donc ce dalil, الشاهد إلَّمْ يَعْدِلْ إلَّمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدل لله عز وجل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut أنه il est juste. أما أنه العدل هذا c'est autre chose. On a besoin de dalil. Et تقدم معنا أنه on peut pas déduire un nom d'une sifa. Là, chaque nom englobe un attribut. Amma les attributs, tu peux pas tirer de tous les attributs un nom. Là, voilà, al-asma tawqifiya, il faut un dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, deux noms. Al-hakam ou al-adl. Amma al-adl, bien sûr, on va lire ensemble, bi-idhnillah, kalam al-shir sa'di, lakin, استفدنا أن هذا الاسم لم يثبت والله أعلم. قال رحمه الله ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا. Vous avez remarqué que beaucoup de savants ils citent الحكم ils citent avec العدل. الحكم العدل. نعم. Bah si c'est une sifa li الحكم فطيب. لكن بعض العلماء ils citent كذلك السل أنه سانو. قال ومن أسمائه الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة ولا يحمل أحدا وزر أحد ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها فلا يدع نعم نعم فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه نعم فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه هذا المعنى هذا معنى عظيم أن الله سبحانه وتعالى الحكم هذا الاسم تستفيد منه صفة الحكم أن الله سبحانه وتعالى له الحكم فالله سبحانه وتعالى كما قال هنا هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله الله سبحانه وتعالى إلى الجست قال وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة لأن le contraire de العدل c'est الظلم فالله سبحانه وتعالى c'est العدل donc لا يظلم أحدا فلا يظلم مثقال ذرة c'est un مثال pour montrer les choses très très petites traduit par un atome الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة ولا يحمل أحدا وزر أحد et ça c'est من عدله عز وجل c'est من رحمته أن personne n'est responsable des péchés des autres et tu seras jugé sur toi bien sûr celui qui a une responsabilité et il délaisse sa responsabilité il a akhiré va هذا في الحقيقة cette chose cette responsabilité c'est من أعماله لكن on parle une chose qui dont tu n'es pas responsable tu as aucun lien tu ne seras jamais interrogé sur cette chose وتستفيد من هذا une فائدة عظيمة أن أولا et on a répété souvent هذا المعنى أن أعمالك فمحفوظة لأن الله سبحانه وتعالى c'est الكريم c'est الحكم عز وجل donc أعمال محفوظة même si بعض t'accuse tu appliques des sunan et ils disent que t'es un mubtadi' tu fais des efforts في العلم et ils disent que t'es un ignorant tu fais des efforts في الأخلاق الجميلة et ils disent que tu as un mauvais comportement ظلما وعدوانا من باب الحقد والحسد la jalousie ou ils veulent écarter les gens de toi ça change rien لا تقلق بل tu dois te reposer t'apaiser لماذا لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة الإنسان نعم c'est pour ça que الله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بأنه كفور نعم الإنسان il a ce وصف بل كثير من الناس à notre époque tu fais du bien sinon et ربما une chose et te dire مثل النساء أنه il a jamais vu de bien de ta part ça arrive الإنسان الضعيف الضعيف الإنسان إلى موصوف كثيرا بالظلم إلى آخره أما الله سبحانه وتعالى فأبدا donc ça c'est une bouchra pour المؤمن كذلك تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا قال ولا يحمل أحدا وزر أحد ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه كذلك si tu as fait un péché فالله سبحانه وتعالى il te jugera par rapport à ce péché Et s'il te châtie, il peut te pardonner, لأنه c'est أرحم الراحمين, et c'est le غفور الغفار, s'il te châtie, par rapport à ce que tu as fait. Si tu as fait 10 péchés, tu seras jugé sur 10 péchés, لا أكثر. قال ويؤدي الحقوق إلى أهلها, إلى آخره. Par rapport à هذه المعاني العظيمة, on peut citer قول الله عز وجل, فلا يخاف ظلما ولا هضما. On a تفسير ابن كثير. تفسير الشيخ السعدي tu peux chercher من سورة طه فلا يخاف ظلما ولا هضما كلام الشيخ السعدي في هذا قال رحمة الله عليه on répète ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه donc الحسنة فالله سبحانه وتعالى il a multiplié par 10 par 700 كما جاء في القرآن كما جاء في الحديث أو أكثر أما السيئة فça reste une سيئة et ça c'est من عدل الله سبحانه وتعالى أنه الحكم العدل تستفيد هذه الفوائد قال وهو العدل في تدبيره وتقديره إن ربي على صراط مستقيم والحكم العدل الذي إليه الحكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين تقدم معنا هذا المعنى في المبين. قال رحمه الله أين هنا؟ قال فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته. أساس بشرى للمؤمنين، بشرى عظيمة. فلا يخاف ظلما. On est tous concernés par هذا. N'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Bel, tu dois être reconnaissant en Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Et même si tu as fait une faute, cette faute, elle se racontait en tant que faute. Contrairement au hasanat. Qala, wala hadma, ay naqsan min hasanati. Faqawluhu, fala yakhafu dhulma, ay un ajout dans ses péchés, wala hadma, ay une diminution dans ses hasanat. Thumma qala al-Sheikh Sa'di, bel, taghfiru dhunuba, wa tutahhir uyuba, wa tudha'if hasanata. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي نعم ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم هذه سنة عظيمة. الله سبحانه وتعالى les péchés donc أولا ils seront pas multipliés. ثانيا الله سبحانه وتعالى si tu fais التوبة il te pardonne tout. Tous tes péchés ils sont effacés. ثالثا même si الإنسان il fait pas التوبة et il meurt tant que c'est pas du shirk Allah il peut lui pardonner. رابعا الله سبحانه وتعالى سوكي في التوبة يلي رمبلاس سي سيئات حسنات. خامسا الحسنة بعشر أمثالها اللي ملتبليه بار ديس سا سي لا باز شاك حسنة اللي ملتبليه بار ديس 5 صلوات سي كوم ستاي في 50 صلاة بار جو. ثم كما جاء في الحديث سا بيت ملتبليه بار 700 إلا الصوم سوف لو جون لو جون سي انكور بلوس الله أعلم كم. فربنا إلي كريم. فهذا تفسير الشيخ سعدي من سورة طه لفرسي 112 فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال رحمه الله ويفصل بين المتنازعين من الطرق العادلة الحكيمة ويحكم بين الناس نعم أو يحكم وبين الناس فيما اختلفوا فيه ويحكم فيها بأحكام القضاء والقدر فيجري عليهم منها ما تقتضي حكمته ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ويقضي بينهم يوم الجزاء نعم والحساب. تصص من معاني الحكم العدل أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين العباد، كذلك أن الله سبحانه وتعالى له الحكم، كذلك أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين عباده يوم الجزاء والحساب. أي الله سبحانه وتعالى سلبي الحكم يوم القيامة سوغ الحكم تخدس بار لو جوج. لكن تقدم معنا أن l'essentiel c'est de comprendre les معاني. On n'a pas besoin de tout traduire. قال فيقضي بينهم بالحق كذلك c'est une بشرى. Même si tu as subi une injustice, même si tu as accusé في الدنيا, même si quelqu'un t'a pris ton حق فلا تخف. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحكم بالحق. Contrairement à la dunya. Combien de ظلم dans les tribunaux? Chaque jour. Les avocats ils mentent, l'accusé ils ment. Robama le juge, كذلك c'est un menteur. Et ظلم. خاصة الضعفاء. هذا إذن الرشوة, la corruption. هذا il a fait une مصيبة, la peine elle n'est pas équivalente. Pardon, ils font des meurtres, au bout de 5-6 ans, ils sont libérés. Zulm, هذا, il a tout perdu. Et la ahad yu'ti haqqa. Celui qui est éprouvé par هذا, fal yasbir. Allah subhanahu wa ta'ala, hakamun adl. Un jour viendra, anna, toutes ces injustices, tout le monde sera jugé. Et si tu as subi l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rendra ton haqq. Bel, il te donnera meilleur. لأنه كريم عز وجل. كذلك تستفيد أن si c'est toi qui a commis l'injustice, فتوب إلى الله. لأننا ne doit pas regarder que le côté victime entre guillemets. لا. لأننا on a des faiblesses, on a des défauts. ربما يقع من الظلم. من وقع في الظلم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Avant ce jour, أن الحكم العدل سبحانه وتعالى il interrogera tout le monde. Et si le ظلم il est lié à un autre, خاصة أنا مسلم، الإنسان Il faut qu'il fasse tawbah, bien sûr, et qu'il répare son injustice. S'il lui a pris quelque chose, il lui rend, il a akhiré. Qala, fayaqdi baynahum bilhaq, wa yahmaduhu al-khala'iq ala hukmihi, hatta man qadha alayhim bil'adhab, ya'tarifun lahu bil'adl, wa annahu lam yadlimhum mithqala dharra, hatta al-kuffar, qui seront finnar. وهذا تقدم معنا أظن دون دروس شغ مراحل الآخرة أن حتى هم يغكونتخوا أن الله سبحانه وتعالى حكم عدل أنه سلحق أنه إلى بيت أنجست أنفيخ بي. ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم أي آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم الحكم ما بينه العلامة المفسر الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان قال وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله والدين هو ما شرعه الله عز وجل لماذا؟ لأنه سالحكم personne n'a le droit de شرع مع الله سبحانه وتعالى أي de légiférer de dire cette chose elle est halal ou haram ou cette chose elle fait partie du din ou elle ne fait pas partie du din. Et il n'a pas d'ilm. Hada, c'est très très grave. Comme قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Est-ce qu'ils ont des associés شركاء? Et ils légifèrent. Ils leur disent cette chose c'est permise, cette chose c'est pas permise. Et بعض الناس عيادا بالله كأنهم ils ont des شركاء. Ils leur autorisent des choses. Ils disent cette chose c'est halal ou cette chose c'est haram ou c'est bien cette chose ou ce n'est pas bien cette chose. Et ils n'ont aucun délit. بل عيادا بالله الهوى et الطمع ils sont attirés par dunya ils sont faibles dans leur foi donc ils suivent leurs passions ils suivent leurs âmes et ils acceptent ce qu'ils veulent ils rejettent ce qu'ils veulent celui qui a un iman قوي بهذا الاسم الحكم il sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui légifère قال فكل تشريع من غيره باطل والعمل به بدل تشريع الله عز وجل عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه كذلك نستفيد من هذا الاسم العظيم أن المؤمن يدوى جوجي par les lois d'Allah سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون et dans l'autre verset هم الفاسقون et dans l'autre verset هم الظالمون لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سالحكم. Et vu que son حكم est fondé sur la justice. الحكم العدل. Et vu que الله سبحانه وتعالى سالحق كما تقدم. فسي on a la conviction أن هذه المعاني سالحق. Et on aime هذه المعاني, ça doit nous pousser à les appliquer. فلهذا, ceux qui pensent, ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah, et ils pensent que cette loi d'être humain, elle est permise. أو عليكم الله الله أو ألمية هذا سيد الكفر كما قال الشنقيطي رحمة الله عليه كفر بواح لا نزاع فيه نعم أما celui qui juge par autre que les lois d'Allah et il aime les lois d'Allah il sait qu'il est fautif il sait que c'est pas permis لكن des faiblesses أو des pressions أو autre chose نسأل الله عز وجل العافية وأن يهدي حكام المسلمين هؤلاء سارس دي مسلمون et on doit se comporter envers eux comme on se comporte envers des gouverneurs de muslims فندعو لهم et on n'accepte pas الشر والمعاصي et on l'applique pas فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما الكلام فيهم الطعن فيهم خاصة en public et عيادا بالله l'appel à la révolte et au خروج tout ça c'est pas من مذهب أهل السنة Et ceux qui appellent à هذا, eux-mêmes se déségarent. Et eux-mêmes, يحكمون في أنفسهم وفي أهليهم وأولادهم بأمور تخالف شرع الله. لأن البعض, ils ont une conception des choses, أن الحكم بما أنزل الله, c'est que pour le gouverneur. Le gouverneur, bien sûr, le حكم, il est عام, il a une مسؤولية عظيمة, il a une responsabilité énorme. Et c'est lui qui... C'est lui qui, بإذن الله عز وجل, est chargé de juger par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un pays. Et on ne doit pas s'oublier, nahnu kadhalik. بعضهم critique le gouverneur, leylan wa naharan, et juste après, ma'asi. هذا ربما il fait zina, هذا ربما il fait pas salat, هذا ربما il est dans les innovations Leylan wa Naharan, hada, il contredit la voix du prophète Aïssa al-Salam, il a un khiré, et envers eux-mêmes, ils ont un rifq azim. Allah, il est ghafour, il est rahim. Ka'annahu, envers eux, faqat. Et avec hukam al-muslimin, ils ont de la shidda. Et ils ont aucune rahma. Tant que c'est un musulman, ça reste notre frère. Et la solution, c'est pas le khuruj, abadan. La solution, c'est pas le critiquer, abadan. La solution, c'est ad-du'a. Et celui qui a le qudra, an-nasiha, sirran, pas en public avec, avec le hakim, comme huwa madhhab ahl as-sunnah. Et alhamdulillah, yahsul khayr. Et si ça s'arrange pas, fais des efforts, ant. Uhkum bima anzalallah fi nafsik, wasbir. Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adl, c'est le haq comme taqaddam ma'ana dans notre dars d'aujourd'hui. Et alhamdulillah, tu n'es pas responsable des autres. Tu n'es pas responsable de tel pays, annahu il juge pas par les lois d'Allah, tu as aucune responsabilité via là. Fais du'a. Et on mourra tous. Et tartah. Amma al-ba'd, ka'anna mas'ouliyat al-bilad, elle est sur leurs épaules. Ils sont assis dans des cafés, vi ma'asi, leylan wa naharan, rubbama, ils regardent du haram, et ils essayent de trouver des solutions pour un pays. Et ils critiquent le gouverneur. Et chez eux, Allah subhanahu wa ta'alim, bima yahsul, comme mukhalafat et comme shar. Donc, là, ils veulent régler les choses. C'est pas à Kata qu'on règle les choses. On règle les choses avec l'ilm, on règle les choses avec le hikmah, on règle les choses en revenant à ahlul hal. Wal aqba, hakada tout le monde. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. Donc on a vu deux ismes aujourd'hui, al-haq et al-hakam. Et كذلك on a ajouté un isme al-mubin et c'est un isme thabit. Et كذلك on a vu ensemble que al-adl fi thubutihi nazar et al-sahih wallahu a'lam annahu la dalil annahu c'est un isme parmi les noms d'Allah azza wa jalla, lakin al-wasf أن الله سبحانه وتعالى العدل من باب الإخبار أو الوصف هذا لا شك أنه صحيح نكتفي بهذا et on passe à notre deuxième درس بإذن الله عز وجل